En Corée, sont restaurés des dizaines de kilomètres des chemins de fer entre la gare de la jeunesse de Gomusan et la gare de Musan qui étaient détruits par les déluges. Les cadres du ministère des chemins de fer et les cheminots ont remis en état 40 tronçons détruits dans le délai de 15 jours. Le premier train est arrivé à la gare de Musan le 17 septembre. Par ailleurs, les habitants et les cheminots de l'arrondissement de Musan de la province du Hamgyong du Nord ont rétabli dans le délai d'une dizaine de jours les routes de plus de 35 lieues et le chemin de fer des dizaines de kilomètres. Des succès sont remportés aussi pour la fourniture de l'eau potable, de l'électricité et le rétablissement du réseau de communication.